Le 16 août, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié un entretien qui dit « Le 15 août, dans le soi-disant discours de célébration, Takune a révélé son intention de poursuivre toujours la politique opposée aux différents milieux sud-coréens en parlant de certaines confiances et nouvel essor et a essayé de justifier ses conduites pro-américaines telles que la décision sur la disposition du SAD. Ce qui suscite l'indignation, c'est qu'elle nous a mis en cause de nouveau en pérorant qu'il ne faut pas tolérer le développement des armes nucléaires du Nord et en exigeant sa interruption, toujours avec le sentiment d'hostilité à l'égard des compatriotes. Par son incompétence et sa politique pourrie, Takune a transformé la Corée du Sud en enfer des vivants caractérisés par le trouble, le désaccord et l'injustice, et mis les rapports Nord-Sud dans un état catastrophique. Donc, il faut dire que son discours était destiné à cacher ses crimes. À ce moment même, les États-Unis introduisent des moyens de frappe nucléaire, y compris des bombardiers stratégiques nucléaires et des sous-marins nucléaires en Corée du Sud et à ses environs pour étouffer notre république manu militari et guettent l'occasion des premières frappes. Les États-Unis projettent de livrer depuis le 22 août les exercices militaires conjoints Ulti Freedom Guardian, simulacre de guerre d'envergure contre le Nord sur toute l'étendue de Corée du Sud. Mais dans son discours, Takune a encore prétesté la mesure de légitime défense pour justifier sa décision sur la disposition du SAD rejetée de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Mais cette marionnette qui ne peut rien faire sans l'approbation de son suzerain américain ne peut tromper personne. Takune, qui a fait de toute la Corée du Sud un toundra de la démocratie, des droits civiques et de la vie du peuple, a calomnié d'une manière méchante notre république qui privilégie les masses populaires et qui réalise les rêves et l'idéal du peuple. C'est vraiment le délire d'une aliénée. Ce qui est impardonnable, c'est que Takune a crié qu'il faut dissiper on ne sait quelle terreur pour la paix dans la péninsule coréenne et pour l'avenir de la nation, révéler ouvertement son ambition absurde de l'unification par absorption et sans savoir sa situation misérable a invité à se joindre à son effort pour ouvrir une époque de l'unification. Voici notre conclusion. Sans balayer les traîtres comme Takune, la population sud-coréenne connaîtra de plus grands malheurs et souffrances et tous les compatriotes subiront les affres d'une guerre nucléaire. Il faut chasser au plus vite les forces extérieures et les traîtres pro-américains et pro-japonais pour accélérer la réunification indépendante, libération complète de la patrie. Plus Takune cherche à éviter la ruine par ses sophismes et ses actes de confrontation, plus elle sera condamnée par tous les compatriotes et connaîtra un sort misérable.